70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. 70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. Chaud radioclassable le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. 70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Shabadabada, shabadabada, donnez généreusement à cause de l'éducation. Ouais. C'est bien difficile pour un homme à la cause de la vache. Oh yeah, c'est bien sûr le seul et unique Simon Préjean qui nous a fait une finale toute à sa manière, c'est-à-dire avec un petit paix à la fin. Oui, on s'est parti à notre premier Indiegogo, douteux.org, qui se lance dans les affaires sociales pour la première fois de son existence et demande votre aide pour réussir à réaliser un de ses projets qui nous semble indispensable pour la société. Je suis flanqué de mon très fidèle Emmanuel Côté-Séguin, qui aujourd'hui va nous continuer les aventures de Aaron Gallagher. Certainement. Et voilà, on est vraiment dedans. On était rendu à choisir le contrat de M. Ouais, Gallagher. Oui, on y a choisi grandement. Merci à tous ceux qui n'ont pas voté pour l'option 2, c'est-à-dire tout le monde. et puis, donc, ça veut dire l'option 1 ou la c'est 3? C'est l'option 1 qui a gagné. On va aller courir après le petit bum, que c'est une mission facile. Le petit bum. Et voilà. Le petit bum. Dans son char gris. Sinon, ben, tu prends la place de Bruno en soir. Prends la place de Bruno en plus. Je porterai deux chapeaux ce soir. Ce soir, en manchette, on a fait des sondages partout aux quatre coins de la métropole et tout le monde est d'accord. Il fait chaud en Christ en studio. Vol de dépanneur. Et un vol de dépanneur. Yeah! À toutes les fois, c'est mes préférés, les vols de dépanneur dans ton oreille, dans tes yeux. On a bien sûr l'excellent Guiz de Pessimier qui va nous parler de dinosaures. On a aussi comme chroniqueur Marianne qui va nous parler de plantain. C'est bien ça que j'ai compris. Et j'oublie quelqu'un. On l'entend grogner, là. C'est... Oui, l'excellent Mathieu Boudreau qui va lâcher. C'est ça, il fait dire tabarnak. Donc... vous avez vu, oui, j'ai un background. Si je me baisse un petit peu, c'est exactement comme ça que ça marche dans la vie. Tu manges un hamburger, tu deviens gros. Tu fumes du pot, tu deviens gay. Je suis, bien sûr, encore en train de vous parler du Heterosexual Awareness Month. C'est leur mois, c'est le mois de juillet. C'est la fierté d'être hétéro. Et ça poste, mesdames, messieurs. Je me suis abonné, comme ça j'ai moins d'efforts à faire, moins de clics pour avoir ma dose quotidienne de what the fuck. T'sais. Efficacité. Et donc, j'ai ici une petite liste de statuts du Heterosexual Awareness Month et je vais les partager le plus copié-collément possible. C'est ce premier-là qui m'a amené à faire ça. C'est « Heteros are normal ». Les hétéros sont normaux. Oui. Yes. Let your inner hétéro shine. Don't be ashamed. You are normal. Don't forget to pick up the phone and thank your parents for being hétéro. Be happy, be hétéro. We received a very touching message tonight. Hétéro was about to commit suicide because she, was being bullied for supporting traditional marriage and hétéro culture. She was being bullied for supporting hétéro. Hétéro culture. C'est les pénis dans les vagins, ça. La culture hétérosexuelle. Lui, il aimait ça. Puis là, il en parlait. Puis le monde disait, les pénis, non. Don't listen to our detractors. Heteros are good people. Heteros are good people. We are law enforcement, firefighters, military doctors, dentists, and first responders. We are normal! C'était fait pour arriver. You have no right to hate us. C'est le cri, tu sais, le cri à l'aide des hétéros qui se sentent brimés. Kiss your spouse, good morning and good night and celebrate acting normal. Celebrate acting normal! Non, arrête, on va finir tantôt. Et là-dessus, on commence à 70% haut en couleur, pour lequel c'est Gary Daniels. Et Gary Daniels, je le dis en commençant, je parle à toutes les Dan Supertramp et les autres douchebags de la vie. Il est à moi, Gary Daniels. C'est moi qui a dit la phrase « Fais-moi un enfant, Gary Daniels », bien avant. T'étais en culotte courte dans un parc quand je disais ça. Et c'est sur cette petite note qu'on va terminer l'introduction de ce 70%. On va remercier Beau en bottes. C'est un artiste visuel de Belgique qui nous a fait le petit vidéo qui suit. Et ça m'amène à remercier la bande à Virgile de Rouen. Il y a Rule Poilu. Stick, t'es velu, Virgile, man, ça te va bien. On écoute donc Beau en botte qui nous parle, une petite dédicace pour douteux.org et on commence 70%. C'est Fist of the North Star. Fist. C'est mon mot préféré dans des titres de films, Fist. Il y a un film, ça s'appelle Bloody Fist. Il y en a un, c'est Fist of Glory. Il y en a un, c'est Eternal Fist. Tu peux partir. Il y en a un, c'est Fist of the North Star. Une dédicace aujourd'hui pour une page où, qui s'appelle douteux.org. Voilà, qu'on m'a fait connaître. Donc, du coup, je voulais quand même vous faire une petite dédicace à tous les fans de cette page. Donc, c'est de la part de Mathieu. Mathieu, donc, qui souhaitait que je vous fasse cette petite vidéo pour vous. Donc, je vais lire le petit message qu'il m'a envoyé. Pour vous, amis douteuses et tous les autres qui verront ceci, bien sûr, cette vidéo de Bombot, le doute est ce qui fait de nous des êtres lucides. Ne cessez jamais de douter. Ne cessez jamais d'être vigilant. Voilà, le doute est ce qui nous permet de rester notre propre propriété. Pour tous ceux qui aident la cause en offrant de leur temps, pour tous ceux qui adhèrent à la cause en assistant aux événements, pour tous ceux qui rigolent et qui sont douteux, ceux qui vont rigoler en voyant cette vidéo, bien sûr, pour tous ceux qui doutent de tous ces douteux, pour tous ceux qui en voudraient plus et qui en ont moins, hélas. Pour tous ceux qui voudraient que ça s'arrête, mais qui continuent quand même. Pour tous ceux qui ne comprennent rien de toute manière, doutez de tout votre cœur. Et pour toi, Tommy, voici donc... ce petit lâcher de bottes, bien sûr, que je vais vous faire tout de suite. Et ça, c'est de la part d'un ami qui s'appelle Mathieu. Voilà. Et ça, c'est bon bottes, bien sûr. Parce que ça, c'est le clou du spectacle. Attention, regardez bien. J'ai mis deux cuissons de rouge. Et puis, une botte. Voilà, regardez bien. C'est une botte normale. Par contre, et tiens, Voilà, c'est ça le clou du spectacle. Comment les tiens? Grâce à... Faut de l'entraînement, ça c'est sûr. Mais comme je suis bon vote... Voilà. Bisous à vous, et puis surtout, amusez-vous bien en regardant cette vidéo. Elle ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais bon, en tout cas, j'ai fait ça pour vous, les fans de deux-deux.org. Bisous à vous tous, c'est moi, Bourbot. Douteux.tv, les manchettes internationales. Avec pas Bruno Corbin. Hey, salut Domi, salut tout le monde. Salut Manu. En manchette ce soir, un petit spécial juste pour toi, un vol de dépanneur. Je sais que tes hommes ceux-là. Je sais que c'est les meilleurs. Tout le monde aime les vols de dépanneur. Le plan est simple. Demander un formulaire pour appliquer à une demande d'emploi dans le dépanneur. Prétendre d'être concentré sur la tâche de le remplir. Attendre le moment opportun pour saisir l'argent du tiroir caisse. Si ce qu'Anthony Thomas, un Floridien de 33 ans, avait réussi avec succès avant d'être rattrapé par la police à quelques pâtés de maison du lieu du crime. Les policiers ont confirmé que c'était bien lui, non parce qu'il avait reconnu du vidéo de surveillance, mais bien parce que son identité correspondait aux informations personnelles bien réelles qu'il avait inscrites sur le formulaire d'emploi. On s'est dit peut-être qu'il voulait vraiment avoir la job en plus de voler l'argent. C'est gagnant-gagnant. À court et à moyen terme, il y a de l'argent tout de suite, puis il y a une job par après. La police de Détroit avait répondu à ce qui semblait être un cas classique de violence conjugale alors que des voisins inquiets avaient signalé avoir entendu des signes d'une altercation violente entre un homme et une femme. La femme, possiblement en train de se faire battre, criait à l'homme d'arrêter, le suppliant même. Les agents dépêchés sur les lieux furent en mesure de constater que la femme était en parfaite santé, mais qu'une odeur plutôt persistante planait sur les lieux. En effet, le copain de la femme s'était mis à lui péter dessus, les flatulences de celui-ci étant à l'origine d'une altercation anodine, bien que bruyante et odorante. Selon le rapport officiel, les officiers ont aussitôt quitté les lieux, flairant bien que cette affaire ne leur rapporterait pas une promotion. Flairant bien que... Merci. En ce mois de la fierté hétérosexuelle, oui. Les élus conservateurs du Costa Rica ont été bien surpris de constater qu'ils avaient accidentellement voté une loi légalisant le mariage gay. Oh. En effet, des politiciens libéraux avaient glissé des amendements. Les politiciens libéraux avaient glissé des amendements étendant les droits des homosexuels et appliquant les bénéfices du mariage civil aux couples de personnes du même sexe. Le président est appelé à utiliser son veto pour contrecarrer cette loi qui, selon les conservateurs, irait à l'encontre de l'opinion de la majorité de la population costaricaine. Quand bien même la loi serait interdite, elle serait probablement renversée par la Cour nationale. Néanmoins, la communauté homosexuelle salue cette occasion de débattre de la question et de faire avancer leur cause. Hey, sérieux, c'est man, beau, le gars qui ça. S'est... Hey, sacrament d'hostie, de calice. Merci, Emmanuel. Juste en Floride, ça se passe, ces enfants. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment du gros 70%. On y va solide avec, je sais pas, parfait salaud à bout de souffle. C'est comme dans un futur post-apocalyptique. Ça a rapport. On est à 70%. Mon corps baigne dans l'alcool, mes yeux sont d'un bleu bromotimol. Je vois la vie en mauve, mes amis meurent tous d'overdose. Le béton, les tours d'acier sont pour moi un fin nourricier. Je dors dans les escaliers de buildings désaffectés. Je suis le prisonnier d'une ville irradiée. Je suis un mutant de l'ère nucléaire. erreur. La survie n'est plus qu'un faible espoir. Un souper au sérum, un lendemain incertain. Quand les sirènes sonnent, les radiations ne sont pas loin. Les tirs des lasers me surprend dans la nuit. Lumière meurtrière. Lorsqu'on me demande pourquoi je soutiens Amnesty avec tant de faveur, je réponds, en général, que ce qui me plaît dans cette organisation, c'est qu'elle se concentre sur l'individu. Ben oui. Bonjour Tommy! Hey, salut Marianne! Ça va bien? Ah, je suis en train d'aller popper. Là, le gars, il a volé le dépanneur en écrivant son nom. Là, c'est quand même assez spécial, hein? T'as quasiment le goût de l'employer. J'aimerais ça lui faire un câlin au gars puis l'encourager à recommencer parce que quand t'es bon comme ça pour faire une affaire, faut pas que t'arrêtes. T'sais. Ben, surtout pour te faire rire. Tu veux dire me faire rire? Ben, pour te faire rire. Très ben, bon c'est ça que je veux dire. Il est bon pour me faire rire. Faut pas qu'il arrête. Hey. Là, tu nous parles de quoi, là? Bonjour à la maison. Aujourd'hui, encore une fois, on sauve le monde. Parce qu'aujourd'hui, on sauve le monde. Toujours, Tommy. À tous les jours, à toutes les secondes. Puis c'est ça, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante un peu spéciale. Je vous ai teasé un petit peu, là, mais c'est le plantain. Mais le plantain, ce n'est pas seulement une grosse banane, comme on peut la voir bientôt à côté de moi apparaître. OK, tu vas voir la grosse banane en premier, et alors, voilà. Comme vous le voyez ici, la grosse patente qui est là, c'est le plantain, et de l'autre côté... Il y a une banane qui vient d'Afrique. Exactement, c'est juste pour montrer la différence. Montrer la différence entre la banane et la banane plantain. Mais celle dont je veux vous parler plus particulièrement aujourd'hui, c'est le plantain, une plante qu'on voit vraiment de façon commune. En fait, elle se cache dans les craques de trottoir, on la retrouve dans nos fonds de cour, on la retrouve partout. C'est une plante extraordinaire dont on oubliait les vertus, Tommy, parce que cette plante-là a été importée, il y a de ça, en fait, du temps de la colonisation ici, quand on a découvert les Indiens puis qu'on a décidé qu'ils étaient trop. Nous autres, on soignait pendant ce temps-là avec du plantain. Fait que c'est ça, dans le fond, tu peux montrer la photo juste à côté. Tu veux le plan? Oui, vous allez voir, vous allez faire un step. Ben oui, c'est elle! C'est elle! C'est le plantain! Et pourquoi est-ce que je suis excitée de vous en parler autant que ça? Parce que c'est la solution à peu près tous vos problèmes! J'aurais aimé ça que tu gardes comme 3 secondes de silence après. Personne n'aurait eu une hypothèse. Ben peut-être parce que le plantain te touche. Ben, en fait, le plantain est une plante extraordinaire, Tommy. Non, pas de cette façon-là. Fais pas ses yeux, non, hein? Écoute, on vient de voir des gros plantains noirs, qui viennent d'Afrique, là. OK, un petit peu de sérieux, les gars. Ouais, ouais, on veut sauver le monde. On parle de quelque chose de beau, mais tu vas être content, puis vous autres aussi à la maison, parce que je vais même vous donner une petite recette pour mettre cette plante-là en application. En fait, le plantain se caractérise par une amble florale de 10 à 50 cm sortant du bouquet de feuilles épaisses, avec de grosses nervures qui partent de la base. C'est ce qu'on peut bien voir ici. Nervures. Qui partent de la base. Écoute, t'aide pas, là. Non. Mais tu vas voir, c'est aussi miraculeux que tout ça, hein? C'est, ben oui, je sais. Je sais. C'est don de vie. Ben. On vient de perdre Tommy. Alors, je te suis en Grèce. Ah oui, oui, oui. Avec donc, sa alors, maturité je légendaire. Je pensais encore jamais à travers cette affaire-là. Bon, OK, bien c'est ça. Ben, en fait, les constituants du plantain sont la pectine, l'aucubine, l'ampigénine, la flavonoïde. Ensuite, le tannin, le soufre, le calcium, le fer, le phosphore, le mucilage. Mais en fait, toutes ces choses font en sorte que cette plante a de très nombreuses indications qu'on utilise en médecine, Tommy. Donc, en fait, l'aucubine accélère l'élimination des reins et possède des priorités antimicrobiennes. L'ampigénine, elle, est un anti-inflammatoire et les mucilages, pardon, c'est pas un langage que j'utilise d'habitude, là, je prends pas ça dans le fond de mon jardin. Je comprends rien. T'es en train de me dire, dans le plantain, il y a plein de substances qui peuvent aider la science. Exactement. Puis, en fait... Ce qui est intéressant avec cette plante-là, Tommy, c'est qu'il n'y a aucun effet secondaire, sinon que, bon, tu vas peut-être aller aux toilettes un petit peu plus souvent. Parce qu'avec ça, la régularité, c'est important. Oui, absolument. Mais c'est ça, c'est... Ça marche tout le temps. Et c'est déconseillé, par exemple, un petit peu aux femmes enceintes, parce que ça pourrait... Ça marche encore! Non, mais je te suis. Je vais fermer mon micro. Ben non, c'est ça. Ben non, on veut tes opinions, Tommy, c'est sûr. Bon. Alors, c'est ça parce que ça a un effet qui pourrait être stimulant pour l'utérus, hein? Puis les premières indications du plantain... Continue, on ne l'entend pas, son micro est fermé. Ça arrête jamais! Là, j'ai l'air d'une schizou qui regarde dans le vide. Mais c'est parce que Tommy rit vraiment fortement en arrière. C'est magnifique. Yeah! Fait que c'est ça. En fait, les premières indications du plantain concernent les inflammations des voies respiratoires, des muqueuses et de la bouche, ainsi que du larynx. Mais en interne, le plantain est aussi utile pour lutter contre l'eczéma, les infections des voies urinaires, les hémorroïdes et la constipation. En externe, on l'utilise pour stopper les saignements, cicatriser les blessures, soulager les piqûres et les rhumatismes. C'est un excellent collyre pour défatiguer les yeux et lutter contre l'inflammation des paupières et les conjonctivites. Le plantain est aussi prescrit pour lutter contre les saignements des voies urinaires, les ulcères, le gastro-duodénal et ça fait aussi la consolidation des fractures. C'est un peu notre aloès du Québec, Tommy. Il n'y a rien que ça ne fait pas. Puis, regarde, ben non, c'est pas ce plantain-là, c'est l'autre. Mais bon, vous avez vu, c'est une plante très commune qu'on peut trouver partout dans le fond de nos arrières-cours. Alors, elle se mange fraîche en salade. Agrémente très bien les sandwichs avec un petit goût de champignons. Ah ouais. Vous êtes con. Tu t'es pourvu, toi. On s'entend, là. que ce ne sont pas tous les plantains qui ont un petit goût de champignon. Non, non, mais non. Non. C'est... Oui, j'y suis. Alors, on peut l'infuser, en faire des décoctions, l'appliquer en cataplasme ou en faire des frissons ou du sirop. Donc, c'est, je vais terminer. Fait que, ben oui, il n'y a pas de problème. Fait qu'en fait, je vais terminer avec une recette de sirop, justement, hein, Tommy? Ça va être pratique pour tout le monde cet hiver, parce qu'on peut l'utiliser, c'est un très bon expectorant, c'est excellent contre la grippe et ça goûte même bon. Donc, vous pouvez faire un sirop anti-toux, c'est très facile. Séchez les feuilles lavées au préalable avec un linge propre. Écrasez-les pour en extraire le sucre et vous le mélangez avec une quantité égale de miel. Faites cuire à feu doux pendant 20 minutes. Cela se conserve sans problème au réfrigérateur. C'est recommandé pour les affections respiratoires et la grippe, Tommy. C'est pas merveilleux tout ça? On vient d'apprendre énormément et on a tellement ri. Oui, du plantain pour tous. Du plantain pour tous. Vive le plantain libre. Merci beaucoup, Marianne. Merci c'était à vous, à la très, très, très, très éducatif. D'ailleurs, on s'en va écouter un segment qui s'appelle The Girlfriend. Ça vient de The Onion Sports Dome. Merci, Marianne. On reste Merci à 70%. For you, Lisa Cantrell, Brenda Kenyon, Vicky Hull, welcome back. Thanks for having me. Good to be back. All right, Darren Williams gave away a victory to the Thunder last night. What went wrong in this one? I thought it was a nice game, and they were going back and forth a lot. And then that little guy missed the shot, and I thought that was kind of sad. Wait, what happened? Sorry, I was on my laptop. This guy from Utah had a chance to win the game, and then he missed these free shots. Oh, no, right. I heard the announcer say he totally choked. Okay, that is not fair. I mean, yes, I was voting for the Orange team, but it's not like that guy meant to miss on purpose, you know? In a key moment in the game, you're a team leader. You got to make those shots. Everyone can't make every shot every time. I'll bet he makes them a lot of the other times, right? Mm-hmm. 80% from the line, his career. It's pretty good. But think of the pressure out there. He knows that if he misses, everyone's going to scream at him. Mm-hmm. Yeah, you know, I don't know why he didn't just grab the ball, run to the basket, shoot it through from closer. You can't do that on free shots, I don't think. But he could have done it before, right? All right. Well, the Jazz thought they're getting a franchise player in Williams. Are they now going to be regretting that $70 million extension? Wait, he gets paid how much? That's too much. Sorry. Yeah, he should get paid less than a teacher. Absolutely. So, Alicia, you're saying he's underachieving now. No, it's just my sister's a teacher. Exactly. Yeah. Well, I don't know. He's good at dribbling, and they paused the game once to show his mom in the stands. Yeah. And he looked so proud of him. It was really adorable. Wait, I missed that, too. Amazing. I was looking at travel sites. Where are you guys going? I think John and I are going to visit his sister in Panama. This loss represents the fourth in five games for Utah. Routine road bump, or is this now a cause for concern? Concern for what? It's just basketball. Yeah, like in the scheme of things, it's not that big of a deal. All right, well, there you have it. Basketball, not that big of a deal. Pleasure as always, ladies. Rise, back up to you. Thanks. Bonjour! Tu m'as entendu dire j'ouvre les micros, fait que... Ben oui, fallait que je me fasse une petite mise en scène, hein, c'est comme ça. T'inquiète, hey, check le gros vaisseau que tu m'as trouvé à côté. Ta-ta! Comment qu'on se sent dans l'espace. Ben ouais. Aaron Gallagher! C'est hey, bonjour, re-bienvenue aux aventures de Aaron Gallagher, épisode 2. Merci à tout le monde. Comme j'ai dit tantôt pour voler le punch, l'option qui a gagné, ce n'est pas Corme le décimeur, tueur de ces dames, mais bien Poutric le vandal. On va bien voir ce qui va se passer. Alors, Aaron Gallagher hésita quelque peu, considéra le contenu modeste de son caleçon et l'importance de son intégrité avant de répondre facilement. Alexia, tu sais que je ne suis pas du genre à me défiler devant le danger. J'irai donc encore une fois sauver l'Empire Galactique de l'indignité que lui fait subir un criminel endurci. Montre-moi ce que tu as sur Poutric le Vandal. Pas grand-chose de plus que ce dont je t'ai parlé, lui répondit sa séduisante superviseure en lui tendant une photo de sa cible. C'est un délinquant notoire qui fait la terreur des systèmes d'évacuation de déchets organiques des stations impériales de Paral et ses alentours. Il a l'habitude de signer ses crimes de divers graffitis disgracieux et anti-impériaux. Un de mes informateurs m'indique qu'il a l'habitude de fréquenter un bui-bui miteux de la planète Frima du nom du Blacksaurien assoiffé. Ne me déçois pas cette fois, Aaron. Phlegma. Ouais, c'est le nom de la planète. J'avais compris smegma, mais ouais, bon, ben, c'est un mélange de ça et de phlegme. Aaron Gallagher, dans un déni digne d'un créationniste, se sentit rasséréné par les paroles d'encouragement d'Alexia et quitta son bureau gonflé d'un espoir sans borne. Il se fit aussitôt ramener sur Terre par son éternel rival, Luix Ir, celui qui l'avait devancé sur son dernier contrat. Lui, je l'aime pas. Si vous vous rappelez de Luix. Ouais, je l'aime pas, lui. Comme ça, tu t'attaques à un destructeur de toilettes, lui dit Luix, voyant la photo que Gallagher tenait en main. Ça, c'est un contrat à ta portée. Bonne chance. Les gars et moi, on part sur les traces de Corm le décimeur. Je vais peut-être te payer un verre avec l'énorme prime qu'on va recevoir. C'est des couillons comme toi qui nous font paraître encore meilleurs. Sans attendre de réponse, Luix continua son chemin. Gallagher grommela en vain quelques menaces bien senties en quittant la régie des agents de la loi indépendants et prit le chemin de retour vers son vaisseau. « Alors, mon gars, ça s'est bien passé, » l'accueillit P, son toujours cordial ordinateur de bord. « Quelle est notre prochaine destination? » On part aux trousses d'un dangereux criminel du nom de Poutrick. Plein cap sur le secteur paralien. Scanne les fréquences habituelles pour tout incident concernant des fosses septiques impériales et réveille-moi quand on approchera dans les environs de la station de Paral. Aaron Gallagher se fit réveiller d'un sommeil agité, peuplé de sulfureuses Alexia et de terrifiants Luix, par la voix de PNS-678. À travers le hublot de sa cabine, il apercevait l'imposante station spatiale de l'Empire Galactique en orbite autour de la planète Phlegma. Yo, Ron! Désolé de te réveiller, mais on est en approche de notre destination. J'ai pris la liberté d'enregistrer une transmission récente que j'ai interceptée entre deux techniciens qui parlent d'un récent incident dans une salle d'eau de la station Paral. Je t'envoie les coordonnées de celle-ci sur l'écran principal. Que fera Aaron? 1. Il va enquêter sur la scène du crime. 2. Il part se renseigner au Black Saurien assoiffé. Ou 3. Il va se recoucher. Alors, voilà. Voilà ce qui se passait cette semaine. Comme d'habitude, je vais mettre les votes sur la page Facebook de 70%. Allez voter en grand nombre. Cette fois-ci, on retourne à la formule des deux semaines. Ça fait que vendredi, dans la semaine prochaine, et voilà. On ferme les votes et puis je reviens lundi dans deux semaines. Merci beaucoup, Emmanuel. Rock'n'roll. C'est vraiment extra giga touchant de la bonne manière. On est à 70%. On vient de vivre des aventures du futur. Maintenant, on va écouter des aventures du présent et on revient avec Mathieu. Des gros animaux! Ouais. Touche beaucoup, hein. Voilà! Salut, Mathieu. Salut. Puis? Ben, Ouais. Hein. Cette semaine, c'est amour et musique, hein? En passant, hein, salut au brouhaha, hein? Vous allez bien? Fuck you, Carlis. Bon. Premièrement, c'est pas que ça me tentait pas, là, d'aller voir Guns N' Roses, là. C'est juste que j'avais 2-3 affaires à régler avec mon ex, hein? Genre, la suivre partout où c'est qu'elle va. Il a indiqué clairement que je sais où qu'elle se trouve en y envoyant des textos genre « Hey, toi, je prendrais pas mon char. » Ou ou « T'es naïf de penser que t'es tout seul dans ton appart. » Ou mon, mon classique aussi, là. « T'es morte, Chris de vache. » Je pense que je l'aime encore, ce fille-là. Fait que pendant qu'Axel Rose nous prouvait que 30 ans de coke te fait chanter aussi juste que Nathalie Simard dans ses bonnes journées, ben moi, comme d'habitude, je suis en peine d'amour. T'sais, un peu comme quand Slash a lâché le band. T'sais, tout le monde se disait, ben là, voyons comment est-ce que Guns peut survivre au départ d'un des meilleurs guitaristes de la planète. T'sais. Ben c'était la même chose de mon bord, Tommy, t'sais. Comment cette femme-là va pouvoir retourner sur le marché de l'amour avec autant de cicatrices, tu sais? Ouais. Ça... Bon, ouais. Tu penses à elle, toi, dans cette équation-là? Ben, quand quelque chose t'appartient, tu sais? Oui. Bon, puis t'es obligé de le laisser tomber à cause d'éléments extérieurs, hein? C'est pas facile, la vie, là. Dans Guns, c'était l'attitude de marde d'Axel Rose, tu sais? Dans notre couple, c'était son attitude de marde, tu sais? Ben c'est vrai, là, il était tout le temps en train d'essayer de tester mon autorité. Hey, esti, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Chris, elle avait encore des conversations avec d'autres mondes que moi. Non. Non, non, moi, j'ai pas besoin d'être ça, une femme forte. Moi, ce que je veux, c'est exactement la même affaire qu'Axel Rose, m'accrocher au passé en maîtrisant chaque millimètre de mon environnement. Check mon ex. Hein, je t'en ai déjà parlé. Combien de fois je t'en ai parlé de Lise? Hein? Renfermée, peureuse, une brise y rentre dedans comme un camion. Elle était parfaite, esti. Mais tu le sais, hein? Ça reste jamais le bonheur. Tout le temps quelque chose, faire chier, tu sais. Elle, c'était son complexe de supériorité, hein? Évidemment. Lise, elle pensait qu'elle pouvait dire tout ce qui passait par la tête. Tu sais? Comme... Ah, ben c'est donc bien beau ce coucher de soleil là. Ah, c'est le fun d'être ensemble. Je t'aime. Des crises de niaiserie, tu sais. J'ai assez tapé dans cette femme là, Tommy. Chris, j'ai de la corne ses jointures. C'est ça l'amour. C'est ça. C'est ça. C'est le souvenir aussi. Chaque cicatrice te rappelle quelque chose. Mais voilà, moi ouais. Je suis dans la nostalgie. À l'image de Guns, hein. C'est au milieu des années 90 que le déclin s'est amorcé, tu sais. En même temps que le band se fragmentait, moi pis Lise, ça allait de plus en plus mal, hein. J'étais obligé de la garder au chalet entouré de pièges à visite. Chris, c'est pas un chien! Mais comment t'as appelé ça? Un piège à visite. Ouais, oui, c'est vrai, ça vient de ton fils, ça. Ouais, ça, les pièges à visite, ça, c'est... Bon, là, c'est sûr, là, tu sais, tu fais pas attention, tu sais... Des pièges. Moi, je l'avais amené une semaine pour voir si son comportement s'était amélioré, tu sais. Tu sais, dans un couple, tu te donnes des chances, hein? C'est sûr. On se parle. Ben ouais. Ben non, esti, à la première occasion, esti, ça va aux toilettes sans me demander la permission. Je la trouve en train d'écouter la TV. À un moment donné, un gars stable, tu sais. Mais encore une fois, ce sont les mathématiques qui ont réglé le problème, hein? Tu sais, comment est-ce que c'est? Sa face plus mon point égale une malheureuse chute de 13 étages. Comme mon père disait, tu sais, la vie, c'est un habile mélange de chaos puis de synchronicité, tu sais. Puis quelque part, il avait raison, tu sais, la même journée que Lise quittait la vie, hein, ben Chris slash quittait Guns N' Roses. C'est pas parfait, la déchéance, Tommy. T'es tellement con. Je sais pas trop pourquoi... Mais j'ai de la misère à me trouver une femme, tu sais. Est-ce que t'as essayé d'introspecter? Introspecte quoi? On s'en reparle. Moi, un peu comme Axel, tu sais, il y a de la misère à se trouver un band, là. Hey, Buckethead, Brain, Richard Fortus, Robert Fink, DJ Ashba, Tommy Stinson. Le monde passe dans ce band-là comme les connasses dans le lit d'Éric Lapointe, tu sais. la foule est en délire. Deux choses. Il y a deux choses qui se révèlent à moi là-dedans. Un, c'est qui DJ Ashba, tu sais. Wow, le guitariste qui a joué sur le dernier disque de Motley Crue. Je crois rêver, tu sais. Non, mais hein, pas besoin de génie de Slash quand t'as de l'argent, ça c'est clair. T'sais. Et la deuxième chose, c'est, dans le fond, Axel pis moi, on est peut-être rendu à passer à autre chose, tu sais. C'est donc bien beau, ça, ce que tu... C'est comme une réalisation... T'es en train d'introspecter, là. Ah, c'est ça que ça veut dire, ça? Oui, c'est... Les réponses sont peut-être en dedans. On les a faites, moi pis Axel, nos millions sur les cadavres du passé, tu sais. En terminant, hein, parce que pour terminer, ces temps-ci, je suis à mon meilleur. C'est-à-dire, je me date une fille qui me traite comme un torchon, qui me dit qu'elle va aller plus loin avec moi, mais qu'il y a déjà un copain. Puis ça c'est du trop. Tu sais, t'es obligé de tuer le gars. C'est plus aussi facile que c'était cacher un cadavre. Hein? Je te dis ça d'expérience. Il y a du monde partout, tu sais. Mais je me dis, tu sais, à l'image d'Axel puis de nos frasques du passé, faut pas se surprendre si on se sert de notre propre médecine. C'est-à-dire que, à force de traiter le monde comme de la merde, t'es un peu toi aussi de la merde. Vote pour moi, mon gars. Un marteau par famille. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. C'était non seulement touchant, mais approprié. On vient tous grandir. On est à 70%. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Vote pour moi. Fuck you, Calis. J'adore ça quand tu me parles au pluriel. Ça va bien. All right. On écoute Alphaville et Forever Young. Ça va peut-être te rappeler un moment où tout était plus simple. Si vous avez l'impression que quelque chose vous pousse par en arrière, c'est sûr que c'est pas Mathieu. Merci, Mathieu. Plaisir. Thank you. tellement de grosses gutters, man. Hey, salut Tommy. Salut Giz. Comment ça va? Hey man, dépanneur, plantain, ça va optimal. Écoute, on n'arrête plus de jaser. Moi, j'ai un petit peu plus bu que d'habitude parce que j'ai quelque chose à fêter en ce moment. Parle-moi de ça, voir. Mm-hmm. Ah, c'est les 30 ans de la nation française. la prise de la pastille, non. C'est le 30e anniversaire de Nintendo. Mais toi, à la maison, tu vas me dire, oui, mais Nintendo est sorti en 1985. Effectivement, cette boîte-là est sortie en 1985. Mais... pas cette petite boîte-là! Oh, vintage! Ça, c'est un Nintendo japonais qui marche pas sur ta TV, sauf si tu peux la mettre au 88, au 89 ou au 92, dépendant où est-ce que la Switch est. On s'en reparle. Mais ça, c'est pas vraiment si intéressant que ça. Hey, man, aux 30 ans, certains! Non, non, mais regarde, parler du 30 ans de Nintendo, tout le monde va en parler partout. Moi, je suis ici pour vous parler de quelque chose de vraiment plus sérieux. Oh yeah, it's on! Color me a dinosaur! Asti qui est beau, man. Forage treat ou imbécile. Pourquoi je veux vous parler de ça? C'est parce que, regarde, Tommy, je pense que t'es un peu dans la même situation que moi. On est début trentaine, tu sais, on vieillit. Fait qu'on date des filles qui ont possiblement des enfants. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on a l'habitude de veiller tard, pis les enfants, ça se réveille pendant la nuit, pendant que les filles qu'on date dort. Donc, faut distraire ces enfants-là. Donc, chercher une solution. Parce que des crayons à colorier, avec des cahiers à colorier, avec des dinosaures, tu sais, ça coûte cher. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas prendre un des jeux les plus rares de la librairie de Nintendo? Parce que oui, ce jeu-là se vend quasiment 100$ sur eBay. Objet de collection. Objet de collection. Objet. Et ouais. Pourquoi ne pas faire. Merci de m'avoir volé. 100$ pour l'organisme, si tu sais. Emmanuel Fantôme, c'est gain. Je m'en occupe. Regarde, je pense que c'est important qu'on regarde ensemble à quel point ça vaut la peine de payer 100$ pour ce jeu-là pour faire jouer à des enfants, de filles qu'on date, etc. Ok, tu veux qu'on parte le petit clip direct là. On est rendu là déjà. Ah, sacré. Écoute, il faisait tellement chaud cette semaine, Tommy, j'étais pas pour travailler. Donc, on a ici du générique. Alors voilà, comme son nom l'indique, Color Me a Dinosaur est un jeu où l'on doit colorer un dinosaure. No shit. Et la vitesse que vous voyez en ce moment est la vitesse réelle de quand il se passe quelque chose puis qu'on pense avoir cliqué à la bonne place, qu'il se passe quelque chose. Donc on va attendre que l'intro avance puis qu'on se rende à notre choix de dinosaure. Ok, c'est encore l'intro. C'est important de rappeler que c'est de 3 à 6 ans. Alors, ouais, 3 à 6 ans. Comme dans tous les livres à colorier, eh bien, on a des choix de dinosaures. Il y a même pas le nom du dinosaure, comment c'est con. Hein? Ouais, mais c'est pas si important que ça. C'est pas supposé d'être éducatif, ça, là. Ça devient déjà... ouais, ça, c'est j'ai choisi un oiseau qui vole, parce que je sais pas, j'ai toujours été fasciné par les ptérodactyles, parce que je me suis toujours demandé si un végétarien qui accepte de manger seulement du poulet peut manger des... des ptérodactyles. Ouais. Mais c'est un autre sujet. Donc, comme on peut voir, on essaie de choisir ce qui n'est pas vraiment des couleurs, mais plus des textures. Il a l'air d'avoir une belle palette de couleurs entre et... rose, moins rose, puis blanc. Et nervuré et galbé. Mais et on peut pas vraiment choisir. On peut pas vraiment bouger le curseur. On bouge de droite à gauche et ça choisit une zone. Ça choisit une zone, ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme de la peinture à numéros. Mais que là, tu te promènes d'un numéro à l'autre. Mais c'est pas une souris, c'est-à-dire, mettons que tu penses que t'es sur le bedon, tu vas aller à droite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, tu peux avoir à peser par en haut pour aller à droite parce que t'es en train de scroller au travers des... C'est donc bien intuitif quand t'as 3 à 6 ans, mettons. T'sais. Mais ce qui est le plus pénible, c'est quand on se dit « Hey, je vais colorier le background, la zone arrière, puis je vais essayer de mettre une couleur. » Là, ça prend à peu près 1000 ans. Je me suis dit « Je vais mettre... J'ai-tu fait ou j'ai abandonné? Je sais pas, j'ai complètement abandonné. On commence sur Stegosaur. J'ai pesé sur Start pour essayer d'avoir un reward de genre « Votre dinosaure est bien dessiné ». Non, ça s'est pas passé. Ce que j'aime, c'est que tous les dinosaures à date sont excessivement contents aussi. Oui, ben j'aime beaucoup les dinosaures c'est contents. C'est assez générique. Et je me suis tanné là. Fait que c'est aussi loin que ça va exister. Fait que si jamais vous voulez est-ce que tu hein? Non mais si jamais vous voulez acheter Color Me a Dinosaur, c'est ça. Un 100$ bien investi. Non mais sérieusement, pour avoir une pièce d'anthologie, Là, on parle 100$ aujourd'hui, mais on parlait que ça coûtait 100$ dans le temps. Donc, ça vaut 1000$. Oh. Exactement. C'est aussi simple que ça. Tu sais, surtout dans ce temps-là, les crayons à colorier en cire puis les cahiers à colorier, ça devait coûter... Ça se trouvait pas partout, là. C'est vrai que les Dollarama, ça n'existait pas dans ce temps-là. Non, mais... Non, mais les seules sortes de crayons qui existaient, c'était des crayons de cire. Et tous les napperons étaient aussi dans tous les restaurants partout. Fait que finalement, continuez d'aller chez Saint-Hubert ou Pacini, voler des crayons de cire et des napperons et n'achetez pas ce jeu. Je pense qu'on a fait le tour, Tommy. Merci tout le monde. On dit merci à Giz. Merci Giz. Merci Giz. On s'en va écouter une chanson. Ça vient de Whitest Boy Alive. C'est Fireworks. Puis on revient pour finir 70% avec un autre bloc de nouvelles. Merci Giz. Génial. Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. Par le monde du souffle de Satan, fais que ce ne soit pas la fin du travail que j'avais voulu. Non! De l'acting à son meilleur. Il n'y a rien à redire là-dessus, en Chris. Alors, tout le monde, les procédures d'un divorce peuvent parfois être fastidieuses et coûteuses. C'est ce que Julia Merfeld, une femme de 21 ans du Michigan, s'est dit lorsqu'elle a tenté à deux reprises d'engager un tueur à gage pour se débarrasser de son mari. Ah, humblement. Heureusement pour lui, le tueur à gage était en fait un agent undercover. Elle lui aurait confié que les choses allaient plutôt bien entre elle et son mari, mais qu'un assassinat lui donnait une porte de sortie propre et plus facile que le divorce. Il faut dire que l'assurance vie de M. Merfeld, d'une valeur de 400 000 $ était des plus alléchantes et elle se proposait de payer le tueur 50 000 $ de cette somme. Julia est donc accusée d'incitation au meurtre et devrait subir une sentence allégée à la demande de son mari de 6 ans de prison ferme. C'est un bon gars. Elle va aller réfléchir. Mais c'est un bon gars et il veut alléger la sentence. Bah ouais, c'est sacrément. Hein, Peut-être qu'elle a des pouvoirs secrets. Un policier à la retraite du Mississippi a été victime d'un cambriolage perpétré par son voisin et sa femme. Stephen Amaral discutait avec ses voisins qui lui demandaient s'il pouvait emprunter sa piscine. Oh! Bonjour, mademoiselle. La femme aurait alors demandé à son mari d'aller lui chercher un paquet de cigarettes. Profitant de l'absence de son mari, elle aurait alors demandé si elle pouvait se baigner flambant nue dans la piscine. Ne pouvant qu'acquiescer à sa demande, pas fou le gars, Amaral admirait le spectacle pendant que le mari en profitait pour aller voler divers objets pour une valeur de près de 1 200 $ dans la maison. Oh, les rusés! Après une vingtaine de minutes, la femme aurait quitté la piscine et Amaral lui aurait aimablement proposé une serviette et demandé si elle voulait l'accompagner à l'église parce qu'au Mississippi, c'est le même que tu fais une date. Ouais, c'est ça. Elle aurait répondu qu'elle n'avait pas le temps. Wrap it up, ben ouais, ouais. Elle aurait répondu qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle n'était pas prête pour ça. La victime se plaint. Ils m'ont volé et je me sens violée. Désolé, monsieur. Non, mais c'est pas toi le jeu de mots, c'est la vie. Là. Non, c'est vraiment sa citation. Oui, c'est la citation de la victime. Ouais. Les enfants de nos jours s'amusent avec les téléphones intelligents. Hein? L'accessibilité et l'attrait visuel de l'écran tactile est très toddler-friendly, comme dirait l'autre. Il est important, par contre, de superviser les bambins avides de sensations fortes sur ces gadgets aujourd'hui, omniprésents et versatiles. Paul Stout, le père de la petite Sorella, 2 ans, l'a appris à ses dépens alors que sa fille s'amusait avec son téléphone. Accrochant bouton après bouton, la fillette a innocemment acheté une voiture Austin 1962 sur l'application eBay. Simplement heureux qu'elle n'ait pas acheté la Porsche à 38 000 $ qu'il reluquait auparavant, les parents de Sorella ont décidé de débourser les 225 $ que coûtait la voiture. 225 $? Ouais, seulement. On voit sur la photo ici. Le char, il reste plus grand-chose. Vraiment magané. Mais il prévoit restaurer la voiture et l'offrir en cadeau à leur fille lorsqu'elle aura 16 ans. Vu que c'est elle qui l'a acheté. Tout est bien qui finira bien. Et voilà, au pays de la joie et du bonheur. Hey, on vient de te finir 70%. It's a wrap. 7h29, on est dans les temps. Super bien été, oui. Je vais remettre le petit clip de dinosaure de Guiz, là, parce que c'est une crise de tabarnak. Perte de temps. Hey, là-dessus, merci beaucoup, Emmanuel. Un plaisir. Merci beaucoup, Guiz. Hey, merci. Merci beaucoup à Marianne. Merci aussi au nouveau. On a une nouvelle émission à douteux.tv. C'est Johnny, la pub de Johnny. Hey, excusez, je ne me rappelle pas le nom. Vous allez voir. Là, ça quelque va chose se deviner. De publicité puis Johnny. Exactement. C'est vraiment des jeunes professionnels de la relève. L'alternative de l'alternative urbaine. À l'alternative. Et voilà. Donc, oui, j'oublie Mathieu. Mais il est parti, il est en crise, penses-tu quoi? Je viens de l'entendre claquer à la porte. Ouais, c'est en tout cas. On s'en va au brouhaha pour écouter l'excellent Fist of the North. Fist, à chaque fois, c'est génial. Sinon, restez en onde parce qu'on va écouter une seule petite chanson. Je pense que je vais remettre. T'as-tu une demande spéciale d'un clip, toi? Non. Je suis heureux avec les dinosaures en train de se faire colorier. Je vais taper dauphin. Non, c'est juste un interlude. Le gars qui se fait exploser des bananes d'en face. Wouhou! Oh, ça n'est un bon, ça. Emmanuel, c'est pas ton premier, toi. Ouais, banane. Oui, c'est excellent. On est à 70%, donc restant en onde, on va écouter le clip des bananes. Ah non, il est pas là. Bon. Ah non, il va être ici. Random. Banane. Je n'ai manqué un. Ah, gars qui s'explose des bananes accrochées dans la face. On a fait un 70% restant en onde parce que juste après le gars qui s'explose des bananes, je vous parle du film de ce soir, Fist of the North Star. Sinon, merci tout le monde. Avec Gary.